La vie m'a mis des coups, c'est pas si grave, le combat continue. Ici de toute façon, y'a pas trop le choix, sache qu'on s'y habitue. Tout comme la vie de rue, tous parents c'est dessus, on compte plus les déçus. Ici, et oui, où rien n'est sûr, quand on nous marche dessus, nous on pense au futur, à un meilleur lendemain, sans devoir penser au plus dur. Je me sens comme un lion en cage, où est passée ma nature, ma verdure et mon air pur. Paraît qu'ici nos droitures, dites-moi où est la droiture. À ce qui paraît, on est juste bon à brûler des voitures. Trop de mésaventures, mon ossature se fissure. Quand je vois que nos vies sont fichues, fâchés on est, ça c'est sûr. On crève de faim, on serre de plus en plus la ceinture. C'est ça le quotidien là où on compte plus les blessures. C'est quand les poules auront des dents, que la neige deviendra noire, que les corbeaux seront blancs, qu'on pourra dire qu'il est trop tard. Pour l'instant, on avance en cadence, à l'instinct, sans un plan, sans un franc. On nous a trop fait attendre, on a pris notre courage à deux mains, pas pour se pendre. On a cru un meilleur lendemain avant de finir ensemble. Le monde va mal, tu sais, on va peut-être mourir ensemble. En attendant, on vit au jour le jour, on a ça dans le sang. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux que je t'écrive d'autre? J'en veux au monde entier, à qui la faute? On a des témoignages sur un individu qui rôde la nuit, qui attaque les gens, isolé, qui est armé. Vous connaissez les marchands de sommeil, voici le temps des marchands de chômage. Une férocité terrible. Il puise une force en lui-même phénoménale pour vous tuer, parce que vous vous êtes mis en travers de son chemin. Avec la crise, la précarité est devenue un marché, Toujours pas perdu de vue l'espoir, en ligne de mire mes objectifs, ma scolarité dans le couloir. J'aiguise mon savoir au canif, je suis le résultat de mes expériences, dont la plupart ont grave foiré. Je trace un cercle autour de moi, de la messe noire, je suis le curé. Si t'es curieux, vas-y approche, tu pourrais bien te régaler. Si t'es envieux, j'ai rien en poche, même s'il en faut pour m'égaler. Je fais pas ce que je veux, mais je veux ce que je fais, tant pis si ça plaît pas. J'avance en esquivant la foudre du rap, je suis soldat. Je me lève toujours au garde à vous, savoure les choses de la vie. C'est clair aujourd'hui, je l'avoue, je rêve de rafler la mise avec la misère aux trousses, dur de combler sa mise. Ça part en couille à tout niveau, moi les infos me tétanisent. J'ai pas la recette du bonheur pour faire les courses et la crise. Je m'essouffle à kick dans l'oufeur, parfois ça frôle l'agonie. Comme l'ont déjà dit les amis, ici y'a plus rien de terrible depuis que tout banalise. J'observe le monde pourrir.